C'est vrai qu'elle avait l'air de rien, ma mobilette, ma rossinante. Mais faut avouer, je l'aimais bien quand elle roulait pétaradante. Jusqu'au jour où deux, trois salauds, des ados qu'avaient bu suite trop, sont amusés pour passer le temps à se faire les nerfs sur son cardan. Oh, rossinante, oh, rossinante. Il faut bien dire, je leur en veux, même si j'étais aussi con que. Mais je tapais jamais sans raison, pas même une mob ou un chaton. Aujourd'hui je pleure rossinante, et je jure au nom de chaque saint que ta triste fin ça me hante. Tu méritais mieux c'est certain, ma rossinante, oh rossinante. Tu m'emmenais où je voulais, même s'il fallait pas être pressé. Quand je te montais, je m'envolais en rase-motte au-dessus des pavés. Même avec une belle encroupe, on doublait encore les vélos. On était les rois de la route, surtout avec le vent dans le dos. Oh, rossinante, oh, rossinante. Malgré toutes les bornes au compteur, t'épatais encore les copains qui parlaient sur le nombre d'heures qu'il me faudrait pour faire mon chemin. Mais tu leur clouais toujours le bec, mon pauvre amour, ma mobilette. Je leur tournais le dos fièrement, en accélérant férocement. Ma rossinante, oh rossinante. Aujourd'hui ton code bleu d'azur, ton bandagage télescopique, chaque bout de toi me manque c'est sûr. Ma rossinante était unique, elle m'avait porté tout petit avant que mon père ait le permis. Mais je retrouverai ces assassins et je leur ferai bouffer leur faim. Oui, rossinante, oh rossinante. Cette chanson que je pleure ce soir, ce coup de colère sur ma guitare, ma rossinante l'entend peut-être au paradis des mobilettes. Je l'ai remplacée comme j'ai pu avec un scooter dernier cri. Mais j'aurais tellement voulu monter rossinante toute ma vie. Oh rossinante, on se reverra là-haut. Un jour mon heure sera venue, moi je retrouverai ma mobilette et on foncera sur les avenues du paradis. Ça ce sera chouette, avec des ailes dans le dos, j'aurai plus besoin de pédaler. On s'envolera toujours plus haut, ensemble pour l'éternité. Oui rossinante, ma rossinante.